vérité. Nous l'avons cherchée longtemps, mais elle court comme le temps. Dans nos roulottes vieilles, da da da. Le sommeil sous le soleil, libre comme l'aigle, on se fait une vie. On ne connaît pas vrai.